plus impertinent que Pipin, plus rapide que Nivacrin, voici Radio Syrah. Approchez voyageurs et écoutez le programme de la journée. Pour commencer, nous assisterons au premier numéro des trucs et astuces de Jolie Fleur, avec en invité exceptionnel, Arcanour. Vous pourrez ensuite participer à notre nouvelle rubrique, l'épi-jeu. Nous poursuivrons avec l'interview de l'équipe du Wiki, réalisée par l'hôte de ces lieux, Epi. Et pour finir, nous aurons le plaisir de vous présenter un numéro de Secrets d'Histoire, présenté par Stéphane de Berne. Mais avant toute chose, nous retrouverons notre nouveau rendez-vous rituel de début d'émission, les 2 minutes des peuples libres, présenté par Neder. Puisse votre écoute vous rendre un peu plus riche en rire et en sagesse. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes au mois de septembre, ici Ned, pour les 2 minutes des peuples libres. La nouvelle est encore toute récente, évidemment il n'y a encore rien de concret, mais récemment, Leyo Technologies a annoncé avoir créé un nouvel éditeur de jeux vidéo. Athlon Games, le premier jeu à son catalogue, sera un MMORPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ils se sont associés avec Middle Earth Enterprise pour développer et publier un free-to-play massivement multijoueur. Des nouvelles de la Mage 23, l'équipe technique revoit son système de lootbox. Nous trouvons dans cette dernière que des équipements trouvables ailleurs et non plus uniques. Désormais, à la sortie d'un nouveau contenu, les joueurs ne doivent pas être en mesure d'acquérir le nouvel équipement via une monnaie d'échange précédant le nouveau contenu ou via le magasin. Les équipements de raid obtenus à haute difficulté, quant à eux, seront toujours plus puissants que ceux provenant des lootbox, et si l'équipement vient d'un raid, vous devrez compléter ce raid au moins une fois avant de pouvoir obtenir l'équipement par vente ou échange. On apprendra au passage que la Mage 23 aura pour nom le pays des dragons. Enfin, la météo pour ce mois-ci de septembre, profitez des derniers rayons de soleil, le Briar John annonce que l'hiver vient, et avec la pluie. Mais ce n'est pas un malheur pour tous, du côté des agriculteurs hobbits, on se dit heureux de cette nouvelle, eux qui ont connu un été chaud et aride, jaunissant les contrées vertes de la comté. Bienvenue dans la toute première chronique mystère, trucs et astuces de Jolie Fleur. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet des plugins. Que vous soyez joueur monstre, bas niveau ou adepte des raids, j'ai le plugin qu'il vous faut. Mais avant cela, j'en ai profité que l'équipe Wiki soit passée au studio pour demander à Arcanur de me rejoindre à l'antenne. Salut Arca! Bonjour Jolie! Arcanur, pour nos auditeurs, saurais-tu m'expliquer ce qu'est un plugin? Alors, un plugin qu'on appelle aussi add-on en anglais, c'est comme une petite extension à votre jeu qui permet de faire quelque chose que le jeu ne permet pas ou de faciliter quelque chose que le jeu permet déjà. Très bien. Et Combat Analysis, ça te dit quelque chose ? Oui, c'est un plugin qui permet de mesurer pas mal de stats en combat comme le DPS, le TPS ou le HPS. C'est très pratique en raid ou pour s'entraîner à parser. C'est technique tout ça. Précisons les termes généraux dont vous aurez besoin tout au long du jeu. Mettons les choses au clair, le DPS et le dégât par seconde, autrement dit ça synthétise tous les dégâts que vous faites pour en faire une moyenne pendant un laps de temps donné. Par exemple, vous faites un enchaînement de compétences et vous faites 60 000 dégâts à la cible en 15 secondes. 60 000 divisé par 15 donne 4 000, ce qui signifie que vous avez fait 4 000 de DPS, c'est magique. Le TPS, ou les dégâts subis, permettent de visualiser les dégâts que vous recevez de la cible. Très pratique pour les tanks, savoir s'ils tiennent les dégâts subis, ou encore pour certains boss, voir les dégâts répartis qu'ils infligent. Le HPS, ou heal par seconde, est le soin que vous générez vous-même et recevez d'autres joueurs pendant un temps donné. C'est bien évidemment pratique pour les soigneurs, afin qu'ils sachent quelle est l'efficacité de leurs soins. Parser, ou faire un parse, se dire tester une de ces trois choses, le DPS, le TPS ou le HPS, pour voir combien on fait par seconde, d'où le terme de parse. Le principe étant de faire le DPS ou HPS le plus haut possible. Par exemple, quand vous voyez un chasseur qui est en train de brutaliser un mannequin, c'est souvent qu'il est en train de parser. On parle aussi des kikis tout durs pour des raisons évidentes qui n'échapperont à personne. Où trouver donc ce plugin ? Comme bon nombre de plugins, il peut être téléchargé sur le site Lotro Interface, en anglais. Il suffit de chercher un bout du nom, donc Combat ou Analysis, et vous le trouverez assez simplement. Si vous avez un doute, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent porter le même nom, qui sont en fait juste des extensions du plugin principal, c'est celui qui a le plus grand nombre de téléchargements. Comment l'installer ? Eh bien, c'est très simple. Il faut préalablement créer un dossier plugins avec un P majuscule et un S à la fin du mot, sauf si vous l'avez déjà. Dans votre dossier, le Seigneur des Anneaux Online, c'est le même que celui où sont vos captures d'écran Lotro. Vous décompressez le fichier obtenu dans le dossier plugins. Veillez aussi à ce que le dossier appelé Combat Analysis et non pas combatanalysis.zip soit directement dans le dossier plugins. Pour les joueurs sur Mac, n'hésitez pas à faire un tour dans la barre de description où j'y ai laissé le chemin pour l'installer parce que c'est bien plus compliqué. Pour ce qui est de comment le paramétrer, il vous suffit d'ouvrir Lotro, vous connecter sur un personnage, puis de cliquer sur la flèche qui offre le menu déroulant tout à gauche des compétences. Et ensuite, laissez votre souris sur Système et cliquez sur Gestionnaire des plugins ou utilisez le raccourci des plugins si vous en avez déjà fait un. Combat Analysis doit normalement s'y trouver, vous n'avez plus qu'à le charger en cliquant charger. Une petite icône de combat comme l'icône de quand vous êtes en combat qui est juste à gauche des compétences va s'afficher en plein milieu de l'écran, c'est normal, elle est en gris. Cliquez dessus et deux fenêtres apparaîtront, une avec 4 onglets et une avec 4 carrés de couleur en haut. Au niveau de son utilisation, rien de bien compliqué. Dans la première fenêtre, l'onglet rouge marqué off, c'est l'onglet de DPS. Après un combat, votre nom sera affiché ainsi que votre DPS. Dans l'autre fenêtre, encore le nombre de PV que vous avez enlevé à la cible et enfin la moyenne de vos coups. Votre chance de critique, critique dévastateur et évitement y sont aussi. Vous pouvez, dans la fenêtre de gauche, sélectionner le combat qui vous intéresse en première ligne ou le dégât fait sur une cible dans un combat particulier, deuxième ligne. Onglet marron-orange qui est marqué DEF, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le TPS, donc votre défense. Même topo que le DPS, à part que les évitements sont à ce moment-là les coups que vous avez évités et non que la cible a évité, et les dégâts sont ceux que vous avez pris des ennemis et non les dégâts que vous avez faits. Il y a ensuite l'onglet vert pour le soin comme indiqué. Sur le même principe, vous avez en premier votre HPS, le total de soins reçus ou envoyés et la moyenne de vos heals. Puis, pour l'onglet bleu, c'est l'onglet de la puissance. Pareil que c'est comme pour du HPS, sauf qu'à la place de soigner votre vie, c'est le soin de la puissance que vous avez fait. Donc ça concernera plutôt les MDS, en général c'est pas très utilisé, mais ça peut servir. Petite astuce, vous pouvez partager vos parses aux autres joueurs. D'abord, vous cliquez sur la petite bulle de discussion en bas de la fenêtre, choisissez le canal de l'envoi, puis appuyez sur « Envoi sur le channel » juste à côté de la petite bulle. À droite de la barre d'envoi des parses, vous avez un petit « i ». Au démarrage du plugin, il est entouré d'un cercle jaune. Si vous faites un clic droit dessus, la ligne 2 va devenir pointillée, et un autre clic droit va faire disparaître la ligne. Lorsque la ligne est pleine, une petite fenêtre s'ouvre avec les détails de votre attaque. C'est simplement comme c'est au départ. Pas trop d'explications à faire, tout y est détaillé. Simplement, si la ligne est en pointillé, la fenêtre n'apparaîtra plus en permanence, mais vous devrez passer votre souris dessus pour qu'elle apparaisse. Et bien sûr, si le i n'est pas entouré, elle n'apparaîtra pas du tout. Donc il faudra recliquer si vous le voulez refaire apparaître, ainsi de suite. Au niveau des problèmes rencontrés, ça m'est déjà arrivé personnellement que Combat Analysis ne se lance pas. Vous avez le petit logo de l'épée en plein milieu de votre écran, mais rien ne se passe, pas de panique. Vous faites un clic droit sur l'épée, puis ouvrir le menu. Vous cliquez sur Combat Analysis, puis dans la fenêtre de droite, cliquez sur Options. Et en dessous sur l'onglet à propos. Vous descendez tout en bas et faites restauration de la configuration. Votre plugin va se réinitialiser et le tour est joué. N'hésitez pas à laisser en commentaire les questions auxquelles vous voudriez que je réponde avec le nouvel invité lors de la prochaine chronique. Évidemment, merci à Arcanure d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation également. Avec plaisir et sur ce, à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces. Le petit Azaleth est attendu à l'accueil. Le petit Azaleth, merci. Ce mois-ci, Profitez d'une promotion exceptionnelle sur les essences de destin. Surprenant, mais n'est pas rare de se retrouver à court de puissance pendant votre périple. Et votre camarade, maître du savoir, ne peut pas tout le temps s'occuper de vous. Tandis qu'il enchaîne les tempêtes foudroyantes et les coups de bâton. Et autres services animaliers sur l'ennemi. Avec une de nos essences premium équipées, c'est la garantie de ne jamais manquer de carburant pour cramer vos assaillants, tout en arborant un sourire rayonnant. Vous êtes toujours sur Radio Sira, ici Epi. Je vous présente aujourd'hui ma petite rubrique, l'épi-jeu. Épi-jeu parce que Epi, t'as pigé, bref. Le concept est simple, dans chaque émission, je vous poserai une petite question. Vous pourrez participer librement dans les commentaires en répondant à la question. Ce sont des questions principalement autour de vous, autour de votre expérience et de vos aventures en Terre du Milieu. Il n'y a pas de tirage au sort, nous choisirons le vainqueur, entre guillemets, grâce à un vote de toute l'équipe de Radio Sira pour la réponse qui nous paraît la plus sympa, la plus drôle, la plus originale, bref, celle aussi peut-être la plus honnête ou qui nous en apprend le plus sur vous. Le but étant de partager des moments de jeu avec la communauté, principalement. Les lots à gagner peuvent être divers et variés, et ils sont toujours annoncés au moment où je vous donne la question. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'épi-jeu du jour ? Ouais ! Alors c'est parti. Question très facile ici pour lancer un petit peu la rubrique et voir si le format aussi vous intéresse. La récompense du jour sera 500 points SDAO pour le meilleur commentaire. 500 points donc, qu'est-ce que vous pouvez acheter avec 500 points pas mal de trucs, hein. Il y a pas mal de décorations de maison à ce prix-là, de petits pets cosmétiques Momac, je sais plus s'ils existent, mais trucs comme ça. Voilà. Vous avez 7 jours pour participer. Donc dès qu'on poste la vidéo, vous avez 7 jours. Alors, la question du jour... C'est pas trop une question, mais voilà, le truc du jour, c'est en commentaire sous cette vidéo, racontez-nous comment vous avez découvert l'autre. Voilà, c'est très simple. Merci à tous, l'épi-jeu est fini, à bientôt. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Radio Sira avec un entretien exclusif aujourd'hui, puisque nous accueillons sur le plateau, si je puis dire, Monsieur Samoured de l'équipe de l'autrewiki.fr et Monsieur Arcanur qui est également dans l'équipe. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Ben, ça va. Ben, bonjour Aza. Perdu une chance sur deux. Voilà. C'est pas grave, t'as essayé, il fallait le faire. Il était excellent là. Donc. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sira. Yes, merci. Du coup, bah, on vous connaît un petit peu comme les gérants, je sais pas trop comment on peut dire ça, administrateurs peut-être, modérateurs, rédacteurs, enfin bref, vous avez plein de casquettes hein, sur le site l'autrewiki.fr. Est-ce que en deux mots, on pourrait expliquer un petit peu à quoi correspond le site ou est-ce que vous voulez que je le fasse hein, y a pas de souci. Bah, comme tu veux, c'est un site wiki qui parle du Seigneur des Anneaux, du jeu, hein, donc... Enfin, peut-être un regard extérieur, vas-y, parce que nous, on est en plein dedans, et puis, on le connaît par cœur, donc oui, voilà. C'est sûr que c'est très difficile comme question. Les plus simples sont les plus difficiles, au final. Mais oui, donc pour situer un petit peu pour tous les nouveaux joueurs, ou même les joueurs un petit peu expérimentés, mais qui ne sont pas encore allés sur le site, c'est un wiki, donc comme Wikipédia que vous connaissez tous, qui est donc une mine d'informations, de ressources concernant le jeu, donc vous avez vraiment toutes les infos sur les cartes, sur les quêtes, sur les combats, les loisirs en jeu, l'artisanat, les classes, les races, enfin bref, je vous passe les détails. Vous avez vraiment, voilà, c'est principalement un gros site d'informations et de ressources, comme un wiki assez classique finalement. Alors, on va commencer par les premières questions du coup. Mes premières questions, c'est plutôt par rapport à la création du wiki, parce que finalement, on sait assez peu de choses. Alors, sauf si on a un petit peu farfouillé sur votre site, mais je pense que la plupart des auditeurs ne sont pas forcément au courant. Et donc, je voulais vous poser comme première question, qui est le joueur, le groupe de joueurs qui a voulu créer ce wiki ? Alors, ça, c'est pour moi, c'est pour Samo. Alors, ça vient du tout début du jeu, donc il y a 10 ans maintenant, enfin 11, oui. Où il y avait une guilde qui s'appelait, alors attention, c'est les Nardugi Mil Nilo, voilà, qui veut dire chevalier de la lune d'argent en Sindarin, apparemment. Et puis, ben, c'est ma première guilde, et c'est eux qui ont commencé à répertorier les premières quêtes. Mais c'était très très basique. C'était vraiment le PNJ qui la donnait, avec un peu l'XP que ça donnait, mais c'était vraiment très très basique, avec la quête suivante pour les fils de quête. Et puis, bah, cette base de données, quand je suis rentré dans la guilde, ben, je l'ai augmentée. La guilde des Nardus, comme on disait à l'époque, a disparu, s'est dissoute. Et on a rejoint une autre guilde qui s'appelle l'Ordre d'Arda, qui, ben, au fil des années, a continué à étoffer le wiki que vous connaissez, mais c'était pas en accès public, c'était restreint au forum de la guilde de l'Ordre d'Arda. Et puis là aussi, chemin faisant au cours des années, les joueurs actifs sont partis vers d'autres guildes et le fondateur de la guilde a décidé de la récupérer. Donc vu qu'on avait tous quitté, il y a deux membres, donc Emeralda et moi-même, on a décidé de... On voulait pas jouer non plus tout seul dans notre coin, donc on s'est dit on va se remettre dans une guilde. On sait pas encore laquelle, mais du coup, si chaque fois qu'on change de guilde, le forum il change d'endroit avec une autre adresse, ça devient compliqué. Donc on a pris la décision tous les deux, donc Emeralda et moi-même, d'ouvrir un site, l'autrowiki.fr, puis comme ça on pouvait changer de guilde tant qu'on voulait, puis l'adresse ne changerait plus jamais. Voilà, et pour la petite histoire, l'hébergeur originel du site était également un joueur de l'autre. D'accord, donc finalement on peut dire que c'est toi qui as créé le wiki, du moins la structure du wiki, parce que même si la base de données existait déjà, c'est un petit peu particulier, je suppose, quand on crée un wiki, ça répond à des règles assez précises, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais c'est l'impression en tout cas que ça donne au niveau que ce soit du design, des polices d'écriture, de... tout un petit tas de choses comme ça, ou c'est peut-être une impression. Ça, c'est automatique. C'est la même chose que sur Wikipédia, en fait. Oui, voilà, mais y a pas, on ne peut pas personnaliser, j'ai l'impression, ou je ne sais pas. Oui, la mise en place est quand même un sacré challenge technique. Il fallait faire la structure. Oui. Ça, c'est Emeralda qui s'en est chargé. Et puis, effectivement, il s'est beaucoup inspiré du wiki anglais. D'accord. Mais justement, quand j'alimente avec des quêtes ou ce genre de choses, j'évite de justement trop les copier pour éviter qu'on soit accusé de plagiat. C'est vrai que ça pourrait arriver, on ne sait pas. Hein. Même si je pense que c'est quand même des sites communautaires, donc je ne pense pas que les joueurs soient en train de chercher des poux comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'il faut se méfier. Hein, c'est pas... On a quand même mis pas mal notre patch, je pense, donc ça devrait aller de ce côté-là. Oui. Et en présentation, quand tu as dit qu'il y avait tout, non, il n'y a pas tout, mais il y a des grands points. Mais on y travaille. Ouais, on y travaille. Ah, oui, alors c'est vrai que c'est un peu... Enfin, il y a tout, disons, pour la plupart des joueurs qui débutent, pour toutes les informations de base, pour tout vraiment ce qui permet d'évoluer, de progresser dans le jeu, hein, pour le simplifier. Après, il y a toujours des détails et des choses qu'on retrouve, par exemple, sur le wiki anglais ou même sur d'autres sites qui n'apparaissent pas encore chez vous. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, une fois qu'on aura présenté l'équipe, parce que ça fait aussi l'objet de questions et tout, comment est-ce que c'est aussi beaucoup de travail pour vous. Donc, si vous voulez bien, on va peut-être présenter l'équipe, parce que nous, du coup, on vous connaît, on sait que vous êtes deux, mais on ne sait peut-être pas tout. Donc, ma question là-dessus, c'était combien il y a de joueurs qui s'occupent du site actuellement et qui sont-ils ? Alors, c'est toujours pour ma pomme, donc... Bon, c'est un peu arcane, non ? Oui. Je me présenterai après, t'inquiète. D'accord. Alors, effectivement, c'est Samo, Samo Red. Donc, en jeu, tous mes persos commencent par Samo. Ça, c'est bien, je te félicite. Il n'y en a plus beaucoup des comme toi. c'est bien pratique. Alors, c'est toujours Samu quelque chose. Mon main, donc, c'est Samu Red. Et puis, effectivement, ben, j'alimente le site depuis sa création. Je suis, on va dire, spécialisé, si on peut appeler ça spécialisé, plutôt dans les quêtes et la présentation des régions. D'accord. Alors, Monsieur Arcanure. Pour ma part, bah, j'ai rejoint le site un peu plus tard. Je crois que ça fait 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Moi, mes versos commencent pas tous par Arca, même si j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas. Je suis dans la confrérie des enfants d'Arda, qui est une assez petite confrérie, un peu d'actifs. Et je m'occupe plutôt des prouesses. J'ai fait un petit peu de quête à un moment, quand ça m'était pas là. Je m'occupe aussi des instances, des fois des titres. C'est un peu, voilà, disparate. Okay. Mais les prouesses, c'est vraiment mon truc. C'est moi qui ai fait une partie des cartes qui sont sur le wiki. C'est assez chiant, mais voilà. Mon pauvre, oui. Mon pauvre, quelle horreur. Mais c'est bien, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, hein, Arca. Écoute, c'est tombé sur toi. Bon. Surtout quand... après, moi, je suis sur les bêtas pour faire les prouesses d'exploration en avance, histoire que comme ça soit fait, pas avoir besoin de chercher sur les serveurs. Je crois que j'avais une autre question par rapport à ça. Oui, alors pour compléter le team, je tiens quand même à saluer un joueur que je connais IRL qui s'appelle, enfin son nom de perso c'est Kraviki. Donc il a créé un perso exprès pour le wiki et qui a répertorié notamment, qui a fait les photos dans les pages de présentation des lieux, les petits drapeaux, points d'intérêt. Si vous allez sur le site, puis que c'est répertorié, vous avez la petite photo avec la description du lieu. Ben la photo, c'est lui qui a pris beaucoup de photos. Il a pratiquement tout photographié l'Eriador au complet. Et accessoirement, c'est un joueur très RP nain que je paye à coup de tonneaux de IRL. D'accord, bon. C'est pas une connerie. Je sais pas si c'est rentable du coup, mais si, sûrement un peu, c'est quand même beaucoup de travail, hein, donc c'est pas mal. Voilà. Et du coup, oui, ma question, pour en revenir à ça, c'était est-ce que actuellement vous avez, est-ce que 2 c'est suffisant? Est-ce que vous cherchez à recruter d'autres personnes pour vous aider? Voilà, comment ça se passe en ce moment? Alors, on va dire que le recrutement est ouvert, mais le gros problème que j'ai en tant que master admin, c'est la qualité des gens qui se proposent. Enfin, dans le type qualité, je sais pas, moi j'ai peut-être une... Qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, il y en a pas beaucoup, mais admettons 5 personnes qui se sont proposées. Et puis, je vais vous donner un exemple. Il y en a un qui s'est proposé en disant, écoute, je suis prof de français, enfin, je suis très fort en français, je peux t'aider à corriger toute l'orthographe et la syntaxe du... D'accord. Du site. Puis j'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, vas-y, ben, donne-moi une page et puis donne-moi tes corrections avant que je te donne les droits complets du site. Et puis ben, le gars, il m'a envoyé 3 fautes d'orthographe sur 3 pages et puis après, plus jamais rien. Donc. Oh my god! Voilà. Donc, oui, c'est pas forcément à long terme et puis c'est pas forcément qualitatif, je vois. Voilà, c'est en fait le gros problème. C'est pour ça qu'on se retrouve à 2. Et puis que le wiki anglais, alors ils ont peut-être d'autres critères de recrutement, mais eux, pour le même travail, ils sont 80. Je pense que c'est pas du tout le même fonctionnement aussi, et je pense qu'il y a nécessairement beaucoup plus d'anglophones, donc forcément plus de participants au quotidien, en tout cas pour le wiki. Il est peut-être aussi plus connu, et c'est peut-être ce qui fait que justement il y a plus de gens qui viennent, qui sont plus motivés. Je sais pas, mais c'est oui, une hypothèse. C'est possible aussi, oui, c'est vrai. C'est possible, ils ont peut-être plus de visibilité sur leur serveur, etc. On ne sait pas. Et du coup, ça m'amène à l'avant-dernier gros sujet autour du wiki, qui est la question comment on peut faire pour vous aider, par exemple, actuellement, comment on peut faire pour vous donner un coup de main. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque part où vous notez de quoi vous avez besoin, de photos, de je sais pas, d'infos, de trucs? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de liste de trucs dont on a besoin. C'est plus sur une page, on met une page en construction, et puis si jamais il y a les sections qui seraient déjà mises, ce qui est assez rare, bah, à ce moment-là, vous pourrez toujours voir ce qui manque. Sans ça, bah, si il y a des trucs que vous voulez mettre spécifiquement, que vous savez qu'il n'y a pas, vous pouvez toujours nous contacter sur la page de la communauté, qui est la page dont Hippie a parlé tout à l'heure. Oui, qu'on mettra du avec... coup aussi. Ou qu'il y a nos adresses mail, entre autres. J'ai eu quelques mails, mais genre peut-être 1-2 par an, au maximum. Ça m'a peut-être eu un peu plus, je sais pas, mais voilà. Il y a quelques gens qui nous mettent « Ah, vous avez une correction à faire, merci. » C'est toujours apprécié, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est sympa déjà de faire l'effort de venir vous le dire, en tout cas, pour ça. Après, si on n'a pas beaucoup, c'est peut-être que c'est déjà très bien, je ne sais pas. Ah oui, vous avez... Mais non, franchement, en termes de fautes d'orthographe et tout, moi, je ne suis pas non plus... Enfin, je regarde pas que ça, mais j'en ai pas vu qui sautaient aux yeux, ni rien. Tout comme, il n'y a pas que l'orthographe, il y a même des... Même au niveau des cartes, enfin, j'ai pas vu d'erreur majeure, etc. Oui, alors pour nous aider dans une rubrique ou particulière, effectivement, c'est comme a dit Arka, hein, je reçois deux messages par an comme quoi qu'il y a une coordonnée qui est pas juste ou un truc qui a changé. C'est beaucoup de choses qui changent dans le jeu sans que ce soit affiché dans le patch note. Mais comme ça, je dirais, dans les gros chantiers qui pourraient être faits par quelqu'un d'extérieur, ce serait l'artisanat, où je sais qu'il y a beaucoup de roleplayistes qui vont nous écouter. Donc typiquement, la musique qu'on peut jouer dans l'autre avec tous les instruments qui arrivent, elle est absolument pas renseignée. D'accord. Donc, s'il y a un volontaire qui veut faire carrément la page pour la musique avec les instruments de comment on joue en groupe, etc., il est le bienvenu. Ça, c'est une très bonne idée, effectivement. Ouais. Je n'ai jamais pensé qu'il n'y avait pas sur votre site, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il n'y a pas. Mais oui, c'est intéressant. Alors, du coup, ça m'amène un petit peu à la suite de tout ça. C'est, est-ce que Vous souhaitez vraiment finalement qu'il y ait plus de monde, même si certains va falloir leur dire non parce que ce ne sera pas qualitatif et ça ne correspondra pas à votre fonction de travail, à votre travail, quoi, à la façon dont vous travaillez. Est-ce que ça vous intéresse finalement vraiment d'avoir plus de demandes? Parce que c'est vrai que sinon, dans ce cas-là, maintenant que tout bouge, qu'on passe par Twitter, Discord, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire un petit réseau social pour le wiki, pour tenir un peu les gens informés? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment pas du tout? Alors, je ne suis pas contre fondamentalement, mais le problème, c'est d'y tenir à jour. Parce que typiquement, une page Facebook ou une page Twitter, crée un compte Twitter et puis que tu l'alimentes jamais, que tu fais jamais de tweet ou page Facebook qui bouge pas, c'est autant rien faire. Enfin, c'est mon avis. C'est sûr. Après, ça permettrait une certaine visibilité, je pense. Et surtout, voilà, pour des petits détails, pour que les gens peut-être vous contactent aussi plus rapidement. Voilà, parce que maintenant, les gens, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit tout en message privé, tout très rapide. Et c'est après... C'est pas obligé de tomber là-dedans non plus, mais c'est vrai qu'on remarque quand même nous, on a remarqué que sur les sites, il y avait quand même beaucoup moins de monde qu'avant et que les gens passaient beaucoup plus par Twitter, Discord, etc. Donc, je sais pas, c'était une petite idée que, enfin, pourquoi pas. Après, effectivement, si c'est pas du tout votre truc et que ça vous embêterait plus qu'autre chose de le tenir, c'est pas effectivement la bonne solution. Mais ouais, au niveau de la visibilité, c'est peut-être pas mal, je sais pas. Arka, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais là, avec tout le boulot qu'on a déjà, on n'aura pas le temps de s'en occuper. Donc... J'avoue, c'est là qu'il nous faudrait des gens en plus pour faire ce genre de choses. Bah oui, un chargé de communication, qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Voilà. Ouais, t'es dans la communication, toi. Hein. Oui. Et du coup, ça nous permet d'aborder le dernier point qui est justement le travail autour du site, le travail que ça demande. Et je me suis posé une question très générale, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais ça donnera peut-être un ordre d'idée aux gens. Est-ce que vous savez combien d'heures de travail vous avez fait en tout depuis le début pour le wiki? Je sais que ce n'était pas trop calculable, mais... Non, ce n'est pas calculable. Est-ce que vous avez une idée, je ne sais pas, par semaine, qu'on se rende compte, quoi, parce que nous, on ne se rend pas du tout compte comme ça. C'est vachement variable, ça varie de page en page, ça varie selon notre motivation. Des fois, ça m'arrive de passer deux, peut-être trois semaines sans rien faire dessus. Donc, des fois, le mois, il est un peu vide. Samu, c'est un peu pareil, enfin, peut-être pas trois semaines quand même, mais c'est des petites modifications de ci, de là. Ça dépend. Et des fois, on passe des journées entières dessus. Donc, c'est... D'accord. Voilà, c'est très variable. Et puis, ça dépend typiquement la modification du contenu. Parce que tu prends par exemple un festival, le nouveau festival qui vient d'arriver de la foire des fermiers, si je me trompe pas. Oui. Donc, faudra, parce que là, c'est mon domaine, puisque Arka, lui, il est sur la bêta pour déjà préparer la future mise à jour qui arrive, comme ça, quand elle sera en ligne, on sera le plus réactif possible. Et puis, on proposera les cartes et les nouvelles zones prouesses, etc. Surtout les prouesses cartes en anglais, mais bon, ça, c'est un autre problème. Non, oui. mais les cartes le plus vite possible. Mais alors, donc, pour en revenir au temps de préparation de travail, si on prend un festival, par exemple, donc là, le Foire des Fermiers, j'ai vu qu'il était arrivé, donc je vais aller sur le site, je vais déjà comparer tous les prix avec la page actuelle, donc ça veut dire modifier tous les prix de la page. Il y a une nouvelle monture qui est apparue, ça veut dire ajouter les nouvelles récompenses, les nouvelles photos. Il y a une monture, ça se reporte sur la page des montures, enfin des chevaux, etc., etc. Et puis, plus il y a d'ajouts comme ça qui changent, par exemple, dans un festival, plus ça va générer par effet de domino un changement des pages. Alors là, typiquement pour le festival, il y a une monture, deux habits, mais j'ai peut-être un ou deux titres, mais ça va peut-être me faire modifier pas loin de 10 pages différentes. Ah oui, parce qu'il faut modifier la page des titres aussi, qui est assez rigolote en soi. D'accord. Oui, puis l'ajout d'image, il y a tout un tas de trucs qu'on n'imagine même pas forcément et qui effectivement doit prendre forme petit à petit. D'accord. Et du coup, c'est un petit peu dans la même lignée et je pense que tu as vraiment bien décrit avec cet exemple pour le festival. Mais est-ce que, Arka, par exemple, tu peux nous expliquer comment ça se passe en jeu concrètement pour toi quand, par exemple, tu dois préparer la rédaction d'un article sur, je sais pas, une instance qui vient de sortir ou peut-être une nouvelle prouesse ou quelque chose aussi comme ça de très concret. Alors, s'il y avait des nouvelles prouesses... Alors, par exemple, s'il y a une nouvelle région, parce que c'est le truc le plus à peu près structuré que je fais, sinon c'est un peu genre à l'arrache, à la one again. Pour une nouvelle région, sur la bêta, je vais un peu explorer la zone rapidement pour voir quels sont les nouveaux points qu'il y a. Donc essayer de déclencher toutes les prouesses, c'est-à-dire genre taper un mob pour sortir les prouesses de tueur, faire une quête pour voir les prouesses de quête, et puis les prouesses d'exploration, si j'en trouve une, je vais la prendre, je vais la finir le plus possible, ce qui inclut les cachettes au trésor et les autres trucs comme ça à trouver un peu partout. Et alors ça, tu le fais sur la bêta plutôt. Oui. Ce qui veut dire qu'après tu te retapes tout avec ton personnage en jeu si tu as l'envie de te faire pour de vrai quoi. C'est ça. Mais comme je l'ai fait sur la bêta, j'aurais fait la carte. Du coup, je prends les points au fur et à mesure, je fais les cartes au fur et à mesure. Bah du coup, c'est beaucoup plus simple parce que chercher sinon sur toute la carte, genre vous prenez votre commande objet le plus proche, enfin objet suivant et vous matraquez votre touche objet suivant en fait sur toute la carte. C'est ça le truc de chercher les cachettes. C'est ça qui prend du temps. Et ça, est-ce que c'est pas le genre de détail où il y a des joueurs quand même qui pourraient vous aider? Alors si, c'est des joueurs qui m'ont déjà aidé pour faire ce genre de trucs. Ça oui, c'est typiquement le genre de truc que d'autres joueurs peuvent se balader un peu partout sur la carte et ça va plus vite. Généralement, c'est le genre de truc qui peut être partagé assez facilement parce que c'est très pénible à trouver, comme tu dis. Et voilà, il suffit de tomber dessus et de vous donner l'info, ça coûte rien et c'est vite fait, quoi. Ok. Ouais. Ok. Alors, dans les trucs à trouver, je sais pas si tu couperas au montage, mais j'ai une anecdote assez rigolote que j'ai publiée sur les furets, je sais pas si tu t'en souviens. C'est que, il y a un jour, je me balade dans Cerregost, et puis, je sais plus, il y a des points à trouver, pour la quête. Et puis, on commence à tourner en rond, puis ça fait un quart d'heure qu'on tourne en rond avec les copains, puis j'ai dit, bon, j'en ai marre, là, allez, hop, je vais sur Internet, et puis, il y en a bien encore à poster une carte en anglais pour, aller trouver ça, puis je tape ma requête, cherche point, je sais plus quoi, le nom du point, l'autre point, l'autre, enter, première réponse, carte, machin, avec exactement le libellé que je cherchais, l'autrewiki.fr. Ah, c'est sur mon propre site. Il y a un vrai tocard, lui aussi. D'accord. Oui, c'est bien avoir lu ça, oui. D'accord, oui, effectivement. Bah alors, c'est là qu'on voit que le site est trop gros, commence à être trop gros même pour nous. Ouais. Mais je pense que c'est difficile à deux. Après, je suis pas là en train de vous dire qu'il faut recruter quelqu'un parce que effectivement, ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même à travers tout ça que c'est peut-être une solution parmi tant d'autres, quoi. Après, c'est. Alors, du coup, je vais vous épargner les questions un petit peu techniques parce que ce que je ferai, c'est que je vais plutôt mettre les liens, je pense, pour que les gens aillent eux-mêmes visiter un petit peu les statistiques, comment le site est hébergé, même si on en a rapidement parlé, un petit peu tout le côté technique. Mais du coup, j'ai une dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est un peu un bilan pour conclure tout ça. J'ai l'impression, quand même, que le site, comme on le disait un petit peu plus tôt, il pourrait encore être enrichi, on le sait, il y a encore des choses qui pourraient manquer. Et je reste un peu sur ma position, mais moi, par exemple, j'adorerais vous aider et je pense que je suis vraiment pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui seraient prêts à vous aider. Simplement, on ne sait pas forcément trop comment. Alors oui, il y a les mails et tout, mais on ne sait pas sur quel sujet. Et je sais pas si c'est compliqué, enfin, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais si c'est intéressant, alors le Twitter et tout, on en a parlé, c'est pas forcément le cas, ou même une page sur le wiki qui nous permettrait, nous, en tant que joueurs et contributeurs potentiels, de vraiment vous filer un coup de main, parce qu'au fond, on a envie que le wiki français soit aussi bien, voire mieux que le wiki anglais, ça nous ferait tous trop plaisir et on irait encore tous plus dessus, mais voilà. Et du coup, ouais, je sais pas, moi, je trouve que c'est vraiment le tout petit point négatif que je peux faire, c'est voilà, le manque de visibilité sur ce petit point-là, que nous, on ne sait pas comment vous aider, sur quel sujet concret. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour avoir participé à cette émission de Radio Sira. Ça nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur le wiki Lotro français, qui est, même s'il manque voilà, deux, trois petits trucs, et qui est un site quand même plein de ressources, de richesses, et on espère le voir prospérer pendant encore de très longues années. Merci à tous les deux et bonne soirée. Merci de l'invitation. Merci et bonne soirée. Sira Musique. Bonjour à vous et soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous recevoir pour notre première édition de Secrets d'Histoire, l'émission qui nous fait remonter le temps le long des pages du magnifique récit de la Terre du Milieu. Aujourd'hui, je vais vous narrer les secrets et intrigues de l'un des fiefs les plus importants du peuple nain, les Montagnes Grises. Comme bien souvent, cette histoire commence à l'aube des âges, le printemps d'Arda, alors que les Valar, nobles architectes de notre monde, arrivèrent sur la Terre du Milieu et décidèrent d'en forger la surface. Alors que s'élevaient collines, plaines et rivières, Aolé, le forgeron divin, fabriqua deux immenses lanternes chargées d'éclairer le monde entier, placées en haut de gigantesques piliers au nord et au sud d'Arda. D'aucuns racontent que cette œuvre magistrale, parmi les plus grandes réalisations d'Aolé, aurait avant tout été un cadeau passionné pour la belle Yavanna, déesse de tout ce qui pousse, pour qui son cœur soupirait d'un amour ardent. Toute cette lumière n'était néanmoins pas du goût de tout le monde, puisque Melkor, le plus puissant mais également le plus dissident des Valar, avait peur que cela ne mette à jour les plans qu'il ourdissait à l'encontre de ses confrères. Aussi érigea-t-il une gigantesque chaîne de montagnes tout au nord, empêchant la lumière des lampes de passer au-delà en attendant de pouvoir les détruire. Une véritable barrière camouflant ces vils desseins que l'on nomma les Monts de Fer. Gorgés de métaux ferreux afin de nourrir les armées de Melkor en équipement, les Monts de Fer restèrent longtemps le siège des forces du mal en Terre du Milieu, abritant même les grandes forteresses d'Angband et d'Utumno, jusqu'à ce que le tyran soit défait à la fin du Premier Âge. L'immense barrière de montagne fut alors en partie submergée et la part restante séparée en plusieurs morceaux plus modestes. Les experts pensent ainsi que les montagnes d'Angmar, les montagnes grises et les collines de fer sont aujourd'hui tout ce qu'il reste des monts de fer. Et c'est justement là, niché entre les hauteurs d'Angmar et les montagnes grises, tout au nord des monts brumeux, que notre histoire va prendre un tournant historique. Nous voici actuellement dans l'un des grands halls de Gundabad, une forteresse millénaire située précisément à l'intersection de ces trois chaînes de montagnes. Occupée et souillée durant des siècles par les orques, les murs de cet impressionnant monument ne peuvent néanmoins pas trahir ses origines. Un lieu parmi les plus sacrés et révérés pour le peuple nain, l'endroit même où Durin, le premier de son peuple, s'éveilla. Après que Melkor eut détruit les grandes lampes fabriquées par Aolé, la Terre du Milieu fut plongée dans les ténèbres, et la nature fut alors mise en sommeil. C'est durant cette période, froide et incertaine, peuplée des monstres que vomissaient les forteresses des Monts de Fer, qu'Aolé, grand créateur de son état, frustré de ne rien avoir à faire de ses mains, et impatient de voir de nouveau la vie courir à la surface, se décida à outrepasser les plans de ses pères et à créer lui-même une nouvelle race. Ainsi naquirent les nains. Cela ne plut néanmoins pas à Ilúvatar, le père de tout, qui avait prévu que les elfes soient bel et bien les premiers-nés. Face aux remontrances du Créateur, Aolé voulut détruire ces créatures, petites et robustes, pour mieux résister aux monstres de Melkor, mais incapables de se mouvoir sans la volonté de leur géniteur. Mais, dans un accès de clémence, Ilúvatar retint la main du forgeron divin et octroya une véritable existence aux nains, à la condition qu'il reste endormi jusqu'à ce que les elfes ne naissent sur Arda. Fou de joie de pouvoir ainsi sauver ses protégés, Aolé alla les dissimuler aux quatre coins de la Terre du Milieu. Les sept pères des nains furent ainsi cachés dans les montagnes, endormis, chacun assorti d'une compagne, à l'exception d'un seul. l'aîné des nains fut placé, seul, au cœur d'une montagne, se dressant haut parmi les autres. Ce nain, qui ne s'éveillerait que des centaines d'années plus tard, dans ce lieu qui prendra le nom de Gundabad, allait devenir un guide, un bâtisseur, un roi et une légende. Thurin Ier, père de la maison des longues barbes. Nous nous trouvons à présent sur les rives du lac du Miroir, en Khaled-Zaram dans le langage des nains. Bien qu'étant à des centaines de milles au sud de Gundabad, c'est pourtant ici que l'histoire du premier roi des nains a pris un tournant décisif. En effet, Thurin, s'étant réveillé seul au milieu de nulle part, erra sans but durant des jours jusqu'à atteindre un soir l'onde tranquille de ce lac. Là, dans les eaux sans remous, il aperçut sa propre ombre, dont la tête était couronnée par le reflet d'une constellation d'étoiles. Le nain prit alors cela comme un signe et se décida à devenir un seigneur pour son peuple, établissant à quelques pas de là ce qui allait devenir le siège de son royaume et la plus grande œuvre du peuple nain, la Moria. Et pourtant, bien que Khazad-dûm, l'autre nom de la Moria, fût indubitablement la capitale des longues barbes durant de nombreux siècles, les montagnes grises et les collines de fer, juste à côté de Gundabad, eurent également une grande importance dans la société même. Thurin Ier avait en effet remarqué lors de ses errances la grande concentration de fer présente dans ces régions, vestige de la volonté de Melkor d'abreuver ses armées. Le roi des nains tenta ainsi de faire ériger des mines et places fortes, de Gundabad jusqu'à la pointe orientale des collines de fer, participant ainsi grandement à l'expansion et au rayonnement de la culture naine dans la région, ainsi qu'à la maîtrise du peuple de Thurin dans les arts de la forge. Néanmoins, la présence de grands dragons du froid dans les montagnes grises, en provenance du Fordways au nord, empêcha très longtemps les nains d'y établir de véritables cités et de profiter autant qu'ils le désiraient des richesses présentes en sous-sol. Aussi l'agrandissement de Khazad-dûm et l'exploitation de son filon de mithril resta longtemps la priorité des longues barbes. À la fin du premier âge, après une durée de vie considérable par rapport au reste de son peuple, qui lui valut le surnom de l'immortel, Thurin Ier finit par s'éteindre, laissant derrière lui un héritage culturel, architectural et financier considérable à son peuple, à tel point que parmi les sept maisons des nains, celle des longues barbes était considérée comme la plus noble de toutes. Les légendes Ned prétendent néanmoins que les pères des nains ne meurent pas réellement, mais se réincarnent lorsque la lignée des rois n'a pas de descendance. Ainsi, ce fut Thurin II qui succéda à Thurin Ier, si semblable d'apparence qu'il ne faisait aucun doute pour son peuple qu'il s'agissait bien de son renouveau. Nous laissons à présent quelques instants la place à une page de réclame, mais nous nous retrouvons aussitôt après pour la suite de cette grande épopée à travers les âges, à la poursuite de la destinée des longues barbes qui allait de nouveau les conduire sur le chemin de leurs origines. Qu'est-ce que la créativité finalement ? Un groupe de personnes réunies autour d'un même projet où chacun apporte sa petite touche personnelle. Chez Radio Sira, l'équipe se compose d'un stagiaire spécialiste en bruitage malaisant, d'une journaliste à la voix suave et sensuelle, mais qui parle trop, beaucoup trop. Bonjour, ici Epi sur Radio Sira. Alors aujourd'hui, nous allons parler de... Fuyez, pauvre fou ! Oh non, attendez, c'est pas fini ! Est-ce que je vous ai dit ? Non, mais c'est plus possible, là, je pars tant de mon gazon ! N'essayez pas de me retenir ! J'ai tenu une seconde de plus que la dernière fois, perso. Je pars. Je suis très loin. De rédacteurs fous furieux qui ne se prennent pas vraiment au sérieux, avec des textes pas vraiment drôles. Hein ? des doubleurs très enthousiastes, toujours à fond dans leur rôle. Laissons donc là le nain épancher ses pulsions créatives. Il n'embête personne comme cela. Et dans le pire des cas, nous font semblant d'apprécier son travail, sans pour autant le diffuser. Excusez-moi, mais je me demande si une démission par suicide dans un camp de gobelins ne serait pas beaucoup plus intéressante que de devoir doubler tous ces textes. Ainsi que quelques chroniqueurs, absolument tout, sauf soporifique. Si vous tapez sur le boss avec la belle aura qui l'entoure et que vous vous faites OS, ne paniquez pas. La prochaine fois, il faudra faire une décorruption, en cassant son animation juste avant de le taper. Vous me suivez ? Alors, une décorruption, c'est une animation qui permet d'enlever une corruption. C'est logique, mais une corruption, c'est... N'attendez plus, et venez relever le niveau en rejoignant la fine équipe de Radio Syrah. Gloire, prospérité, amitié avec les peuples voisins et respect des autres maisons naines, tout semblait sourire aux longues barbes, comme en témoigne cette route traversant la forêt noire, construite à l'époque pour relier la Moria aux collines de fer et permettre le commerce avec les quelques hommes qui s'établissaient non loin des montagnes grises. Mais pourtant, le sort allait bientôt s'acharner sur le peuple de Durin, minant petit à petit l'œuvre de l'immortel. Durant le deuxième âge, les longues barbes gagnèrent dans un premier temps en puissance et en richesse, notamment grâce à leur amitié tissée avec les elfes de les régions, ainsi que de par l'accueil en leur sein des peuples des torses larges et des barbes de feu, après la chute de leur cité en Eredwyr. Mais une guerre éclata à la porte de leur royaume en 1693 du deuxième âge, alors qu'un nouvel ennemi du nom de Sauron s'attaquait aux elfes de les régions. Pour empêcher les armées noires de progresser jusqu'en Lothlorienne, en passant par la Moria, Durin III ordonna une attaque pour repousser les forces ennemies, puis ferma les portes de Khazad-dûm, empêchant Sauron et son armée de progresser. Le grand royaume des nains demeura ainsi fermé bien après la guerre, se murant dans une politique isolationniste et laissant les collines de fer et les montagnes grises sans aucun support, à la merci des dragons et de leur soif inextinguible de trésors. L'un d'entre eux en particulier attisa la haine des longues barbes, un énorme ver du froid répondant au nom de Skata, fourbe et fort, qui vola un grand nombre de richesses aux nains et aux hommes de la région. Cette dernière fut finalement laissée aux dragons, et le nombre de nains dans les collines de fer diminua également. Pis encore, en l'an 1980 du troisième âge, alors que Khazad-dûm était toujours refermée sur elle-même depuis presque 4000 ans, limitant ses relations avec les autres races au strict minimum, une créature monstrueuse fut éveillée au fond des mines de Mithril, et tua le roi de l'époque, Durin VI. Face à la force colossale de ce monstre, les longues barbes furent forcées d'évacuer la Moria et de tenter de rebâtir leur royaume dans les régions du nord qu'ils avaient négligées durant des siècles, s'établissant en premier lieu en Erebor. 20 ans plus tard, une opportunité inespérée se présenta aux nains. Un homme du nom de Fram, seigneur des Éotèdes, et par conséquent sans nul doute un aïeul d'Eorl le Jeune, futur fondateur du Rohan, parvint à réaliser l'impossible. Il oxys Kata, la terreur des montagnes grises, libérant la région du joug des grands vers du froid. Il s'agissait là enfin de l'occasion pour les nains de reprendre leurs terres, toujours riches en fer, ainsi que de réclamer les trésors que le dragon leur avait volés. Mais Fram, en son bon droit, choisit de ne pas accéder aux suppliques des longues barbes et de conserver le trésor pour son peuple. Pis encore, il fit charité aux nains d'un simple collier orné des dents de Skata. Un camouflet qui allait longtemps attiser la colère du peuple de Durin, et qui s'acheva par la mort mystérieuse, mais assurément brutale, du jeune seigneur. Ce n'est néanmoins que presque 200 ans plus tard que les longues barbes offrirent enfin aux montagnes grises toute l'attention qu'elles méritaient. Le jeune Thorin Ier, descendant direct de la lignée de Durin, était né bien après la fuite de son peuple hors de la Moria, et avait été bercé dès son plus jeune âge des contes de la grandeur passée de l'immortel. Selon lui, il était d'une importance capitale que son peuple renoue les liens avec sa gloire passée et ne récupère Gundabad, lieu ô combien sacré, pourtant considéré à l'époque comme la capitale des orques de Langmar. Néanmoins, son père, le roi Thrain Ier, considérait qu'il était bien plus sage d'assurer avant toute chose leur position en Erebor. Aussi, lorsqu'en l'an 2190 du Troisième Âge, le fougueux Thorin accéda au trône à la mort de son père, sa première décision fut de laisser Erebor derrière lui, bien décidé à reprendre les montagnes grises. Il renforça les places fortes, raviva les mines et érigea des cités alors qu'il se dirigeait toujours plus vers son but, son rêve, Gundabad. Si la reprise de ce lieu sacré ne serait atteinte que plusieurs siècles plus tard, la campagne de Thorin lui permit néanmoins d'établir une nouvelle capitale dans les montagnes grises, débutant ainsi un nouvel âge d'or pour son peuple grâce aux richesses qui n'attendaient qu'à être exploitées. Nous terminons notre voyage dans les ruines de Skarhald, qui était très probablement la capitale naine des montagnes grises à l'époque de Thorin et ses successeurs. Son architecture somptueuse, réminiscente du faste des Erebor, et ses façades bleues uniques en leur genre, témoignent de la prospérité dont bénéficièrent les longues barbes à cette époque, à quelques kilomètres seulement des terres gelées, encore aujourd'hui occupées par des dragons du froid. L'abondance et la fortune des nains ne cessa de s'accroître durant près de 600 ans, laissant présager l'avènement d'un nouvel âge d'or pour le peuple de Durin. Mais Skarhald et les autres forteresses de la région n'étaient en rien aussi isolées que Khazad-dûm au temps jadis. Bientôt, les dragons avoisinants eurent vent des trésors amassés dans les halls des nains. Et en l'an 2570 du Troisième Âge, ils déclarèrent la guerre aux longues barbes, attaquant et pillant sans relâche tout ce qui pouvait se tenir aux abords des montagnes grises. Les combats firent rage pendant plus de 20 ans, hache contre écaille, croc contre maille, jusqu'à ce que finalement, le roi Daïm Ier, monté sur le trône seulement 4 ans auparavant, périt avec son second fils aux griffes d'un grand dragon du froid. Les deux princes restants, préférant assurer la survie de leur peuple plutôt que de défendre leur trésor, décidèrent de faire évacuer leur peuple pour la seconde fois dans l'histoire des Longbarbes. Tror, l'aîné, conduisit ses gens pour reprendre possession d'Erebor, tandis que Gror, le cadet, emmena les siens vers les collines de fer. Un dernier chapitre dans la tragédie des Longbarbes restait pourtant à se jouer au sein des montagnes grises. Parmi les vers du froid se tenait un intrus, l'un des derniers de son genre. Un grand dragon de feu répondant au nom de Smaug. Puissant, rusé et orgueilleux, il est dit que la bête se décida un jour à partir à la conquête de l'or d'Erebor, après qu'il ne se soit réveillé, un matin, pour être le témoin d'une scène étrange. Là, devant son ventre, la tête décapitée d'un drake, une hache naine plantée entre les deux yeux, aurait été déposée. Fou de rage, le dragon aurait alors décidé, en ce matin de l'an 2770 du Troisième Âge, de partir faire Erebor sienne, forçant une fois de plus le peuple de Durin à l'exil. Si les racines de l'histoire des nains sont aussi anciennes que les montagnes qu'ils affectionnent, il ne fait nul doute que c'est ici, dans ce qu'il reste des terribles monts de fer, que la plus incroyable de leurs sagas prend son origine, poussant ce peuple fier et respectueux de leurs ancêtres à revenir sur ces terres, inexorablement. Durin l'immortel, l'aîné de leur père, forgeant sa légende à peine extirpée de ses pics de pierre et de fer, a marqué de manière indélébile tout son peuple, qui n'aspire encore et toujours qu'à se montrer à la hauteur de cette gloire passée. 6 fois, Durin est revenu pour régner sur les siens. Les chants annoncent qu'il reviendra, encore, une dernière fois, pour que les rivières d'or ne coulent à nouveau, que les portes de Khazad-dûm ne soient de nouveau ouvertes, que la route du nord soit pavée d'airain, jusqu'à Erebor, jusqu'aux collines de fer, jusqu'aux montagnes grises, jusqu'à Gundabad. Mais ceci, c'est une autre histoire. L'heure est venue de reprendre votre route, voyageur. Que votre barbe pousse toujours plus longue, vos poils d'orteils toujours plus soyeux, et vos oreilles toujours plus vives. Jusqu'à notre prochaine édition de Radio Syrah.